la conscience. Tendez ça, garçon. Égaré, ou pas qu'on qui coton poilé, parfois ou en virelé. Je dis la vie n'a pas longue, c'est vrai. C'est ou qui pour chercher conserver. Ou gagner un petit monde pour élever. Mon chef, faut qu'on prend conscience. Non, non, non. Pour qui va pas j'y comme ça. Non, non, non. Pour qui va peut-être tout mal ça. Non, non, non. Pour s'en lève, pour bénir fort. Ou même qui pa gagne yon foyer, ou tant pour yon brebi égaré, ou pa kon ki koto poilé, parfois ou en virelé. Tout dit la vie a pas long, c'est vrai, c'est ou qui pou chercher conserver, ou gagne un petit monde pour élever, mon chef, pour ou prend conscience. Non, non, non, pour qui wa pa j'y comme ça. C'est tout mal ça. Non, non, non. Où sont les poupées des femmes? Non, non, non. Où sont les vents de charité? Marchez, marchez, marchez, marchez, marchez, marchez, marchez. Qui est ce garçon? Mais les babons. J'ai chérie.